la séquelle 2005, écoute ça, chrome. Baïonné enchaîné, rituelté, ouais. Enchaîné, baïonné enterré vivant au fond de la grotte. Gardé par deux fois MC corrompu par l'argent du hip-hop. Le CR présent pour déterrer sur ce premier volet. L'écume au lèvre, je suis ce chien enragé qui chope au mollet. M'arrage ce virus pour délivrer double H. Si t'es solidaire, prends ta pelle, viens aider ici avec des lâches. Assoiffé par la thune depuis que le hip-hop les assume. Ici personne n'assure et j'ai su ces quelques larmes. Tombé du martyr sous l'œil d'Empire Versatile. Mettre de la pensée unique, même les esprits ouverts saturent. Et le CR s'attire, le regard de ses vieux en vieux. Sans souci, mes rimes, des fils sans raccourci. Mes textes émanent de l'enfer forgé par la haine. Écoute mon flow haine, j'ai l'idée, mais ce combat sans peine. Le son dans les veines, cette chaîne de vie ne mourra pas. Même par ces jours de pluie, le hip-hop ne mourra pas. Déterrer le rap français, c'est ça l'objectif majeur. Car la tire ses lyrics pour acheter ses imposteurs. Des paroles inoxydables comme le chrome à l'oxygène. Que l'éphémère les bouffe à l'écoute de ses rimes. Imagine que l'industrie est un cyclope. Un œil, une pensée unique, une mode, la pop. Imagine que Chrome joue le rôle d'Ulysse. Une libération, une action de justice. 2005, je viens défendre ma musique. Sort d'appel, le rap, on va l'exhumer. Il y aura sûrement des gardiens, donc prévois les fusils. Un zombie à sauver, des imposteurs à fumer. 2-0-0-5-C-H-R-O-M-E 2-2-0-0-5-C-H-R-O-M-E. Demande justice pour une culture française bafouée. Ulysse sur la piste, mais que la concurrence est désavouée. Dans la ligne de mire, le rap game et son business. Tristesse, le hip-hop vit son dernier soupir. Aujourd'hui je pleure cette musique et du monde funéraire. Si l'œil m'a éraillé, je fais un clin d'œil en réanimant ses entrailles. Bizarrement ces meurtriers conduisent le corbillard. Le rap est tête à mort, lui a dit de toi ton corbillage. C'est un requiem, pas une chanson, un épitaphe. Plus qu'un paragraphe, si ma paye est un otage, c'est une rançon. Ça devient fatigant, à force de cocher les noms de mes victimes, il y aura autant de croix qu'au Vatican. Volontiers, assassine, assène mes rimes comme des molars. Sans entonnoir, en manteau noir, tout droit sorti d'un polar. La zine dans le sang, puis le berceau. J'ai fait rimer mon premier cri dans un style perso. Je te sens comme un cerceau dès que j'écris. Fidèle au poste, chrome laisse sur tes enceintes son emprunt. Comme l'air avec ton emprunt, écoute le style que t'empruntes. C'est K.E.L, je laisse mon place en guise de souvenirs. Avec des moutons qui suivent la mode, mon flow c'est la idée. Imagine que l'industrie est un cyclope. Un œil, une pensée unique, une mode, la pop. Imagine que Chrome joue le rôle d'Ulysse. Une libération, une action, une justice. 2-0-0-5, je viens défendre ma musique. Sort à appel, le rap on va l'exhumer. Il y aura sûrement des gardiens, donc prévois le fusil. Un zombie à sauver, des imposteurs à fumer. Imagine que l'industrie est un cyclope. Un œil, une pensée unique, une mode, la pop. Imagine que Chrome joue le rôle d'Ulysse. Une libération, une action, une justice. 2-0-0-5, je viens défendre ma musique. Sort à appel, le rap on va l'exhumer. Il y aura sûrement des gardiens, donc prévois le fusil. Un zombie à sauver, des imposteurs à fumer. 2-0-0-5-C-H-R-O-M-E 1-U-1-L-Y-S-S-E-C-R. Militant jusqu'au bout, le CR impose sa griffe. Fidèle à mon coup, c'est qu'elle laisse des cicatrices. Sans aucune pitié, car la vie de son chargeur. Hip-hop héritier, détenant d'un son rageur. Militant jusqu'au bout, le CR impose sa griffe. Fidèle à mon coup, c'est qu'elle laisse des cicatrices. Sans aucune pitié, car la vie de son chargeur. Hip-hop héritier, détenant d'un son rageur.